Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26. Alors tout le peuple de Juda prit Ozia, qui était âgé de 16 ans, et ils l'établirent roi en la place d'Amatsia son père. Il bâtit Elot, l'ayant remis en la puissance de Juda, après que le roi se fut endormi avec ses pères. Ozia était âgé de 16 ans quand il commença à régner, et régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Jécolia, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit devant l'Éternel, comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant les jours de Zacharie, homme intelligent dans les visions de Dieu, et pendant les jours qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Car il sortit et fit la guerre contre les Philistins, et fit brèche à la muraille de Gath, et à la muraille de Jabné, et à la muraille d'Asdo, et il bâtit des villes dans le pays d'Asdo, et entre les autres Philistins. Et Dieu lui donna du secours contre les Philistins, et contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal, et contre les Méunites. Et même les Ammonites donnaient des présents à Ozia, de sorte que sa réputation se répandit jusqu'à l'entrée d'Égypte, car il s'était rendu fort puissant. Et Ozia bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte du coin, et sur la porte de la vallée, et sur l'encoignure, et les fortifia. Il bâtit aussi des tours au désert, et creusa plusieurs puits, parce qu'il avait beaucoup de bétail dans la plaine et dans la campagne, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes, et en Carmel, car il aimait l'agriculture. Et Ozia avait une armée composée de gens dressés à la guerre, qui marchaient en bataille par bande, selon le compte de leur dénombrement, fait par Jehiel Scribe, et Maaseja Prévôt, sous la conduite de Hanania, l'un des principaux capitaines du roi. Tout le nombre des chefs des pères, d'entre ceux qui étaient forts et vaillants, était de 2600. Et il y avait sous leur conduite, une armée de 307 500 combattants, tous gens aguerris, forts et vaillants, pour aider le roi contre l'ennemi. Et Ozia leur prépara, savoir à toute cette armée-là, des boucliers, des javelines, des casques, des cuirasses, des arcs, et des pierres de fronde. Et il fit à Jérusalem des machines de l'invention d'un ingénieur, afin qu'elles fussent sur les tours, et sur les coins, pour jeter des flèches, et de grosses pierres. Ainsi sa réputation alla fort loin, car il fut extrêmement aidé jusqu'à ce qu'il fût devenu fort puissant. Mais sitôt qu'il fut devenu fort puissant, son cœur s'éleva pour sa perte, et il commit un grand péché contre l'Éternel son Dieu, car il entra dans le temple de l'Éternel pour faire le parfum sur l'autel des parfums. Mais Azaria le sacrificateur y entra après lui, accompagné des sacrificateurs de l'Éternel, au nombre de 80 vaillants hommes, qui s'opposèrent au roi Ozia, et lui dirent, « Ozia, il ne t'appartient pas de faire le parfum à l'Éternel, car cela appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui sont consacrés pour faire le parfum. Sors du sanctuaire, car tu as péché, et ceci ne te sera point honorable de la part de l'Éternel Dieu. » Alors Ozia, qui avait en sa main le parfum pour faire des encensements, se mit en colère, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre s'éleva sur son front, en la présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Alors Azaria le principal sacrificateur, le regarda avec tous les sacrificateurs, et voilà, il était lépreux en son front, et ils le firent incessamment sortir, et il se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Et ainsi le roi Ozia fut lépreux, jusqu'au jour qu'il mourut, et il demeura lépreux dans une maison écartée, même il fut retranché de la maison de l'Éternel, et Jotham son fils avait la charge de la maison du roi, jugeant le peuple du pays. 22 Oresaï fils d'Amo, prophète, a écrit le reste des faits d'Ozia, tant les premiers que les derniers. Et Ozia s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec eux dans le champ des sépulcres des rois, car, ils dirent, il est lépreux, et Jotham son fils régna en sa place.